listening to Royal Audio Tunes. Y'a pas de signe, ni de ok. Y'a pas de moins bon, ni de parfait. Mais dans ton jeu, c'est le contraire. Je suis les flèches et je me perds. Oui, j'ai du mal et je ne suis pas fier. Je voulais juste offrir mon âme. T'offrir mon âme. T'offrir mon âme. Chaque nuit, en plein doute, Dieu m'assommait. Chaque jour, la pluie tombante me noyait. Mais je me relevais, coûte que coûte sur les rotules. À tâtons, j'avançais, me battant dans la brume. Je m'étais enfermé, à double tour, la clé pétée. Malgré ses cartes, entre les mains, quand le moral s'écroulait, je me battais. Encore une fois, avec ma plume, comme souvent, j'en sortais gagnant à l'aide de Saturne. Mais dis-moi toi, pourquoi en arriver là? Accro à ton jeu, ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Mais dis-moi toi, pourquoi on arrive là? Accro à ton jeu, ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Mes rêves sont mes ennemis, mes ennuis font de moi un mépris. Écoute-moi, ça sert à quoi? Je veux croire que tu comprends ça. Je me raccroche tout le temps, même les fossés m'accrochent et me tend. Je cours à travers les montagnes, même si à chaque fois toi tu gagnes. Triste pensée, à faire le con, je dois assumer. Souffle coupé, morale esquintée. Je me remémore ce moment à deux où l'on rentrait. Pour un rien rigoler, sans arrêt les refusait. Plus rien, l'erreur de toute une vie. Je la revois encore, allongée dans ce lit. Trop de poids sur mes épaules, je ne peux plus rester droit. Je me retrouve seul, regarde envers le bas. Mais dis-moi toi, pourquoi en arriver là? Accro à ton jeu, ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Mais dis-moi toi, pourquoi on arrive là? Accro à ton jeu, ça rime à quoi? Ça rime à quoi? J'inspirais à ta chaleur entre le fond de ton cœur. J'inspirais trop grand au bout des millions de fleurs. Ton sourire en diablé de parfum, c'est féerique. Mais que peut-on rêver de mieux qu'un conte magique? J'inspirais et j'ai trop fait. Accro à ton jeu, oui, oui, j'y étais. Puisque le ciel m'assomme, plus laisse-moi seul. Que je médite sur ma donne, esquinté par la peur. Laisse-moi juste une feuille, un bout de papier. Car mes jeux de mots, je ne me lasse de les griffouiller. Laisse-moi vivre, plaire, parcourir ma vie. Déployer mes ailes qui me privent de magie. De n'importe où, appelle-moi, fais-moi un signe. Histoire finalement, qui nous deux n'est jamais fini. Mais dis-moi toi, pourquoi on arrive là? Accro à ton jeu, ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Mais dis-moi toi, pourquoi on arrive là? Accro à ton jeu, ça rime à quoi? Ça rime à quoi?